Peut-être qu'ils ont demandé l'indépendance, mais j'aimerais les voir plus heureux que ça maintenant, je sais pas moi. Vu qu'ils voulaient garder son pays, qu'ils voulaient le reprendre ou quoi. Il faudrait qu'ils soient florissants, qu'ils nous envoient. Mais complètement à zéro. Que d'après, que j'aimerais jamais pu y retourner, mais enfin, d'après ce qu'ils se disent, c'est tout abandonné. Parce que toute la côte d'Oran jusqu'à Alger, tout ça là, j'avais vu des vignobles, des orangeries, des oliviers et compagnie, là, comme vous voyez. Riche, hein, c'était. Ah, bien sûr, parce que le pied noir faisait travailler, il y a les Arabes qui travaillaient, d'accord, mais les campagnes, c'était. Il fallait y aller, hein. Et là, j'aimerais bien voir comment c'est. Non, non.